Try again. Essaye encore une fois. Le cancer citadin s'étale désormais défonçant les désespoirs intimes au-delà des tricks sémantiques, par ailleurs dégénérés au mix des médias qui fixent la terreur sous les artifices lumineux d'autant brillants ou glames que désuets, dépassés, aussitôt surfaits, à peine éclos à la culture carnassière de ces sales putes, servant de nation aux pseudo-girons d'individus fidèles à l'ego. L'ego, juste une concrétion de stimuli électriques voués au camp de civilisation. Camp de civilisation où s'amasse la viande réellement divine, toute vibrante et découlinante des spermes et cyprines consacrées aux grandes prostitutions urbaines. Essaye encore une fois de capturer ce que tu es. Essaye sans jeter le filet de secours, sans fixer les mots. Essaye de capturer ce que tu es sans le nommer. Essaye sans le commerce des mots. Try again. Try again. Try again. Essaye encore une fois, mais tu ne m'attraperas pas. Le vivant non commercial, le vivant non commercial, le vivant non commercial, le vivant non commercial, le vivant non commercial. Je fais partie du vivant non commercial. Le vivant non commercial, le vivant non commercial. Le vivant non commercial, le vivant non commercial, le vivant non commercial. Je fais partie du vivant non commercial. Et tu vas payer. Humain, tu vas payer pour toutes les formes de vie que tu n'as pas respectées. Entends-tu déjà la terre murmurer de ses plaques tectoniques? L'apocalypse qui te nique au stade anal et bien sûr oral, hein? Sur le va-et-vient du but orageux, en pleine défonce contagieuse, grandement sanglante, toujours luisante des larmes hargneuses, souvenir de ces multiples enculades subies quotidiennement lorsque tu t'acharnes à croire gagner ta propre vie. Oui, là, pendant que le monde entier te baise, frénétique, ressens ces frémissements toxiques, big leader, vers ta propre extinction. Durant le tsunami sourire qui fourrage langoureusement, ta phage incessante, la totalité de tes trous, déjà certes polyviolet, mais bon, tu en veux encore. Alors tu reprendras bien une petite catastrophe nucléaire, avec les éclairs de nullité caractéristiques à ton espèce de putain, d'enculé cosmique de loser génétique humain. Humain, tu vas payer. Le non-vivant commercial. Tu es le non-vivant commercial. Tu es le non-vivant commercial. Tu es le non-vivant commercial. Try again. Try again. Try again. You lose.